C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. À chaque semaine, je fais un commentaire de disque. Commentaire de disque, vous pouvez lire sur les sites de Centre Art, www.centreart.qc.ca ou encore Québec Pop via le www.quebecpop.com et aussi sur ma page Facebook de Canrock. Vous pouvez lire les commentaires de disque, j'en fais 3 par mois. Et c'est des commentaires de disques, surtout de produits franco-canadiens qui viennent un peu partout à travers le Canada. Cette semaine, Paysage intérieur, Joël Roy. Un quatrième album pour l'auteur-compositrice-interprète franco-ontarienne Joël Roy. Elle nous offre Paysage intérieur, un titre évocateur du sentiment ressenti en écoutant l'album. Dès la première plage, Identité épaillée, on est interpellé par des arrangements organiques qui nous dressent une nostalgie familière sur laquelle on se laisse bercer. Les textes font beaucoup référence aux contacts humains, aux sentiments envers les autres, à l'intégrité, aux choix qu'on fait. Donc, c'est vraiment assez intéressant comme texte, vraiment très, très bien écrit. Je vous donne 2 adresses, bien sûr, pour vous procurer le disque. joelleroy.ca, c'est son site Internet. Ou encore, si vous allez sur le site de l'APCM, qui est l'Association des professionnels de la chanson et de la musique en Ontario, eh bien, vous allez sur apcm.ca et vous pouvez vous procurer le disque là également. Et plusieurs autres produits également de l'Ontario français et de l'Ouest. Comme je vous disais, on va y aller avec une première plage qui s'appelle Identité épaillée. Très, très bonne chanson, vous allez voir. Ça donne un peu le son de l'album, un son zydeco, parfois tantôt doux, tantôt plus rythmé. Identité épaillée, comme les flots du Mississippi. Identité éparpillée dans quelques coins de quelques pays. Ici et là et nulle part à la fois, cette idée de rentrer comme un vieux film décoloré. Identité virtuelle, adresse et courriel. La brise berce la savane. Siffle un air sur un fond de Louisiane. Se couche un soleil de plomb. Maury chante ma chanson. Chante, chante Maury pour les haricots toujours pas salés. Identité épaillée comme les flots du Mississippi. Identité éparpillée dans quelques coins de quelques pays. Ici et là et nulle part à la fois, cette idée de rentrer comme un vieux rêve désabusé. Identité virtuelle, mon adresse et courriel. Doudou est le sein, d'où le reflet de l'eau. L'île brûlée au loin dort sur le dos. La fraîcheur, mon accordéon qui joue une toute nouvelle chanson. Au pays où je suis né, toujours, toujours j'y retournerai. Thank you. identité ébahie, comme les flots du Mississippi. Identité éparpillée dans quelques coins de quelques pays, ici et là, ici et là, et nulle part à la fois. Cette idée de rentrer comme un vieux souvenir oublié, identité virtuelle, mon adresse et courriel. Une baie immense au large où il fait bon rentrer, à l'abri du vent des vagues, du danger. La mer douce est fâchée, je ferais mieux d'y rester. Passe, passe la nuit, file le temps sans bruit. Il y a de petits bijoux sur ce disque, entre autres, ça me fait chier de t'oublier, un country folk un peu à la Harvest Moon de Neil Young, qui accompagne un des très beaux textes de l'album. Plus jamais de détour est un autre petit univers assez intéressant, jazz Dixie, des plus accrocheurs et charmants. Insatiablement est la pièce la plus rock de cet opus, avec un beau changement de mood dans le bridge avec les enfants. La pièce titre « Paysage intérieur » et la belle reprise de « J'entre » qu'elle avait écrite en début de carrière, eh bien, nous amène dans un niveau d'émotion plus profond. Autant la force des mélodies que la puissance des textes nous interpellent avec des sentiments de quiétude, de sérénité, d'accalmie qui nous touchent au plus profond de soi. L'album se termine en beauté sur une belle reprise du classique de Cano, Dimanche après-midi. Voici Paysage intérieur. Dans mon paysage intérieur souffle ce vent qui propulse vers un dépassement, un ailleurs. Sur un sentier viscéral, sans devant ni derrière, bouscule et efface mon décor intérieur, meublé de tous ces petits bonheurs imprévisibles, invisibles mais tangibles, nouvelles comme une toute première neige. D'aplomb sincère. Dans mon paysage intérieur, cet eau infinie coule jour et nuit, rafraîchit mes heures, arrose la rose. Parfois elle déborde de paix, une débâcle souterraine, tout au fond de mon cœur frisson, coule un printemps. petit bonheur imprévisible, invisible mais tangible. Nouvelle comme une toute première neige, fébrile comme le rayon du matin, comme une poignée de main d'aplomb sincère. Dans ce paysage intérieur, une paix si belle qui m'appelle comme une voix, comme un mantra, inlassablement. Sa douceur m'envoûte, malhabile, je la couvre d'harmonie, elle me sourit, elle sourit. Paysage intérieur de Joël Roy est une belle invitation à arrêter le temps. L'auteur, compositrice, interprète de la baie Georgienne en Ontario nous interpelle avec des mélodies, parfois à déco, parfois country folk, mais toujours agréables. Celle-ci accompagne de très beaux textes sur les relations humaines et aussi sur nos sentiments les plus profonds dans notre paysage intérieur. Découvrez l'univers de Joël Roy en visitant son site internet joelroy.ca ou encore en allant sur apcm.ca pour vous procurer son produit, son album Paysage intérieur. On va se quitter sur une dernière pièce et comme je disais, cette chanson-là a été écrite par Joël Roy en début de carrière. Bon, la première enregistrement, c'était un peu plus statique, un peu plus clavier, mais cette fois-ci, c'est vraiment piano, voix, violon, très, très, très touchant, très, très, très merveilleux comme pièce. Voici Gendre, Joël Roy. J'entre dans mon corps, reposer mon âme. Je ne regarde pas dehors pour endormir le blâme, comme quelqu'un qui a fait ce qu'il avait à faire, comme quelqu'un qui a envie de se mêler de ses affaires. J'entre, j'entre, j'entre dans ma tête, débourrer mon crâne. Stopper la tempête, jaser avec mon ange. J'entre, j'entre dans mon cœur, à l'abri de l'âge, et je n'ai plus peur, plus de rage, comme quelqu'un qui a fait ce qu'il avait à faire, comme quelqu'un qui a envie de se mêler de ses affaires. J'entre, j'entre dans mon corps, j'entre, j'entre dans ma tête. J'entre dans mon cœur. On a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec la charmante Céleste Lévy et, selon moi, la plus belle chanson qu'elle a écrite, « Faire du bien ». C'est vraiment une chanson très adorable, un très beau folk, si on peut ainsi dire, vraiment bien fait. C'est tiré de son premier album. Elle travaille, je pense même qu'elle est en train de finaliser son deuxième album qui sortira à l'automne. Et sur ma page Facebook de Canrock, vous avez accès à un petit clip qu'elle a mis sur les médias sociaux. dans un parc à Timmins. C'est avec l'équipe de TFO et Balade. Elle a enregistré une version acoustique là, d'une nouvelle chanson qui se retrouvera sur le prochain album. Et déjà, je trouve ça fort intéressant. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ce nouvel album, comme je vous dis, qui sera disponible à l'automne, sûrement septembre, début octobre. Donc, on va poursuivre notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec, quelque chose d'assez intéressant. Sur ma page Facebook, vous avez accès à ça aussi. C'est que la charmante Marie-Claude a été invitée à faire une petite prestation dans une publicité de Aero et Aero Truffle, et on voit là Marie-Claude qui chante un petit bout de chanson. Je trouve ça vraiment charmant, donc je l'ai partagé sur ma page Facebook, allez voir ça, c'est merveilleux. Marie-Claude qui va faire partie bien sûr de la demi-finale, et oui, elle était choisie pour faire partie de la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby. Donc, elle va être là le 18 août prochain, quatrième demi-finale. Et puis, elle va sûrement bien performer. Du moins, on lui souhaite qu'elle s'amuse et qu'elle vive l'expérience au maximum. Aussi, dans quelques instants, j'ai décidé de vous programmer Sablier de Marie-Claude. Et par la suite, on va entendre tout simplement Renée Ray, qui elle aussi va faire partie des demi-finales de Granby. Elle qui fait en ce moment partie de la cinquième édition de Rond-Point avec l'APCM. Elle qui a lancé une pièce qui va très bien sur les palmarès, Le Monde est con. Si vous aimez justement le folk rock là, très accrocheur, ben je pense que vous allez aimer ça. C'est vraiment une très belle pièce. Donc on va entendre ça, Le Monde est con de René Ray dans quelques instants. Mais juste avant, voici la charmante Marie-Claude avec sa chanson « Sablier ». Tu m'enlaces dans ta chemise, que ça déplaise, qu'on nous méprise. Tes mains couvrent mon corps, peu importe où on est. Sablier, c'est cool si on reste ici. Notre univers s'écroulera. Secoue-moi dans un tourbillon de toi. Dans le Sahara. Et on peut